Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'arrivée de Lénine au pouvoir et les débuts du régime soviétique. Si on a voté pour les bolcheviks aussi pour d'autres formations, c'est parce qu'ils avaient des modèles, ils avaient un programme qui correspondait à ce que les gens voulaient. Et les gens ont voté pour eux donc parce qu'ils étaient proches du pouls populaire, ils étaient proches des revendications, des doléances de ce que les gens voulaient. Ce qui est arrivé après ça, en janvier-février 1918 et par la suite, une autre chose. Quand Lénine accède au pouvoir en octobre 1917, une bonne partie du peuple russe est derrière lui, nous dit en substance le politologue de l'Université de Montréal, Luc Duhamel, dans cet extrait de l'émission Au fil du temps, en 1991. Mais les choses tourneront vite au vinaigre à la suite de la révolution de 1917, ce qui conduira rapidement Lénine à effectuer un virage autoritaire important pour se maintenir au pouvoir. Et entre la révolution de 1917 et la création de l'URSS en 1922, la Russie vivra un véritable enfer. Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine, est un homme d'une autre époque. Marxiste, il rejette les méthodes terroristes et place ses espoirs dans une prise de conscience de la classe ouvrière. Pendant 20 ans, en prison ou en exil, il participe avec une passion farouche aux luttes révolutionnaires russes, guettant les moindres convulsions d'une société qu'il sait condamner. Nul plus que lui ne correspond au portrait du révolutionnaire idéal décrit par Netchaïev. Il n'a ni intérêt privé, ni affaire, ni sentiment, ni attache. Son être tout entier n'est voué qu'à un seul but, à une seule idée, à une seule passion, la révolution. Tout ce qui contribue au succès de la révolution est moral. Tout ce qui peut lui nuire est immoral. Extrait du documentaire « Lénine par Lénine » réalisé par Pierre Sanson en 1970. Pour nous raconter l'arrivée de Lénine au pouvoir et les très difficiles années qui vont séparer la révolution de 1917 à la création de l'URSS en 1922, mon invité, l'historien André Champagne. André Champagne, bonjour. Bonjour. Un petit mot d'abord sur Lénine lui-même, pour faire suite à cet extrait qu'on vient d'entendre. Qui est-il en un mot, André, et d'où revient-il, Lénine, quand il prend le pouvoir en octobre 1917? C'est un intellectuel révolutionnaire. Tout pour la révolution, ça c'est exactement c'est bien ça. Qui dirigeait le parti bolchevique. Il s'était fait remarquer en 1902 en écrivant cet opuscule intitulé « Que faire » dans lequel il exposait sa théorie du parti révolutionnaire qui disait tout simplement que la fin justifie les moyens et que comme on vient de l'entendre en se référant à Netchaïev et à son catéchisme du révolutionnaire, que tout ce qui pouvait profiter à la révolution, on pouvait le faire. Donc c'est fondamentalement un homme de pouvoir, mais c'est surtout un stratège. Et le génie de Lénine en 1917, c'est d'avoir compris que le parti bolchevique devait tout simplement adapter son programme en fonction des aspirations populaires. Ouais. Donc, les paysans voulaient la terre, on leur promet la terre. Les soldats voulaient la paix, on leur promet la terre. Les ouvriers voulaient le pouvoir ouvrier sur les usines, on leur conseille, on leur propose des conseils ouvriers. Donc, il a ajusté le programme en fonction des aspirations et chemin faisant, il a pu prendre le pouvoir par un coup d'État en ayant une grande partie de la population derrière lui. Mais c'est fondamentalement l'intellectuel, mais stratège, qui comprend que la fin justifie les moyens. Mais en phase, on revient au fond au premier extrait, celui de Luc Duhamel, en phase, ce révolutionnaire avec la population. Tout à fait. Il comprend les souffrances du peuple russe à ce moment-là. Donc, coup d'État, effectivement, c'est comme ça que ça se passe. On en a déjà parlé dans une autre émission, dans cette nuit du 25 au 26 octobre 1917. C'est comme ça qu'il prend le pouvoir, mais toujours avec ce programme et cet appui qui n'est pas si clair. On le verra un peu plus tard dans l'émission. Il y aura des élections, il ne réussira pas à remporter une majorité, mais il y a quand même un peuple qui souffre, il le comprend, et ça aussi, ça fait partie de l'équation. Et quand il prend le pouvoir, à la suite de ce coup d'État, André Champagne, de fait, il écoute et il réalise deux promesses importantes qu'il a faites. Oui, et là, on parle du décret sur la paix, qui fait en sorte que le pouvoir bolchevique dit tout simplement à l'Allemagne, bon, la guerre est terminée, entamons des négociations de paix. Donc, la demande de paix, elle est satisfaite. Et le décret sur la terre. Depuis le printemps 1917, les paysans se sont tout simplement emparés des grands domaines de la noblesse et se les ont partagés. Mm-hmm. Et le gouvernement bolchevique entérine justement cette prise de possession des grands domaines par les paysans. Donc, par ces deux décrets-là, il obtient l'appui de la population. Ouais. La paix, cela dit, il faut qu'il la négocie avec l'Allemagne. Il va le faire. Il y aura une conférence en Pologne et ça va donner le traité de Brest-Litovsk. Qu'est-ce que ça prévoit, ce traité? C'est un traité épouvantable pour la Russie. C'est un traité qui est signé en mars 1918. Mais il faut avoir à l'esprit qu'à ce moment-là, l'Allemagne, vraiment, est en train littéralement d'écraser l'armée russe, même l'embryon de l'armée rouge. Et c'est Petrograd et Moscou qui sont menacés. Donc, pour que la révolution survive, Lénine est prête à sacrifier une partie du territoire. Et attention, la Russie va perdre la Pologne, les Pays-Baltes, la Finlande, l'Ukraine, une partie de la Biélorussie et la Géorgie. Donc, c'est près d'un tiers de la Russie d'Europe. Mais pour Lénine, le calcul est le suivant. C'est un repli stratégique. Il est convaincu, lui, au moment où la paix est signée à Brest-Litovsk, que la révolution va s'étendre à l'Europe. Ouais. Ce qui a commencé en Russie va s'étendre. Et il croit, lui, que la fraternisation entre les troupes russes sur le front et les troupes allemandes va permettre à la révolution de s'étendre à l'Allemagne et éventuellement au reste de l'Europe. Et de toute façon, les faits vont lui donner raison parce que avec la défaite de l'Allemagne en novembre 1918, le traité, à toute fin pratique, est éradiqué. Oui. Mais en attendant, il sacrifie une bonne part du territoire, des ressources. Et sur papier, là, c'est assez catastrophique comme traité. Mais encore une fois, avec ce pari, qu'on va se reprendre. L'autre aspect, c'est la fragilité, au fond, politique de Lénine et des bolcheviks. Ils prennent le pouvoir par coup d'État. Oui, ils remplissent une partie de leurs engagements, de leurs promesses. Ils ont écouté le peuple russe, mais ils ne réussissent pas. Une des promesses de Lénine, c'est aussi d'organiser la tenue d'élections libres. Ça va se faire à la fin de 1917. Et là, incapacité par Lénine et les bolcheviks d'avoir une majorité de sièges à ce Parlement à la suite de cette élection de la fin de 1917. Écoutez l'historien Roman Serbin à ce sujet, à l'émission Au fil du temps, en 1991. Les bolcheviks n'avaient pas l'appui dans la population. Le coup d'État avait lieu à Petrograd et à Moscou éventuellement. Le reste du pays ne l'avait pas accepté. Les premières élections libres en Russie, c'était les élections à l'Assemblée constituante. Cette élection avait lieu déjà après le coup d'État de Lénine. Lénine s'attendait à ce que ces élections donnent la victoire aux bolcheviks, étant donné qu'ils étaient déjà au pouvoir et avec toutes les promesses qu'ils faisaient au pays. Or, ces élections ont donné seulement un quart des voix aux bolcheviks, le reste allait aux autres partis. Donc, il ne s'agit pas d'une révolution populaire. Comment expliquer, qu'est-ce qui se passe en fait à cette élection de 1917, André Champagne, et comment expliquer que Lénine et les bolcheviks ne réussissent pas à s'imposer, à gagner cette élection? Pour une raison évidente, c'est que dans les campagnes, le parti qui incarnait les aspirations populaires jusqu'en 1917, c'est le Parti socialiste révolutionnaire qui était le parti qui avait l'appui de la paysannerie. La paysannerie, c'était près de 87% de la population russe. Donc, dans les campagnes, les bolcheviks n'étaient pas connus. Ouais. Mais les SR, ils étaient connus. Conséquemment, lors de cette élection-là, la grande majorité des paysans ont voté pour les SR, tant et si bien qu'ils ont obtenu 16,5 millions de votes contre les bolcheviks qui n'en ont eu que 9,8 millions. Mais pour Lénine, ça n'avait aucune importance. Pourquoi? Parce que Lénine dira, au lendemain de cette élection-là, une fois que l'Assemblée constituante sera convoquée, elle devra entériner les décisions prises par le pouvoir bolchevique. Sinon, on verra. Oui, on verra, en fait, et c'est ce qui se produira, parce que l'Assemblée ne veut pas promulguer ses décrets. Et là, tout de suite, et ça, c'est très, très important pour la suite, Lénine, qui veut se maintenir au pouvoir, qui ne contrôle pas l'Assemblée, décide d'utiliser, c'est le début de la dictature, d'utiliser la main forte. Il y a deux piliers dans cette dictature. Très vite, il va créer la Tcheka, qui est un des deux piliers de la dictature. La police politique. Et l'armée rouge. L'armée rouge, oui. Pourquoi? Parce que la fin justifie les moyens. Écoutez, c'est clair qu'en prenant le pouvoir par un coup d'État, il doit imposer sa volonté. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que dès le début de 1918, les partisans du tsar, les partisans de la noblesse vont tout simplement contester le pouvoir des bolcheviks et on va voir se former ce qu'on va appeler les armées blanches, qui seront dirigées par des généraux contre-révolutionnaires, en l'occurrence Kolchak, Rengel et Denikin, qui veulent eux, soit instaurer leur propre dictature militaire, chasser les bolcheviks du pouvoir ou rétablir le tsar. Donc, dès janvier-février 1918, la Russie est déchirée par une guerre civile. Donc, le pouvoir bolchevique n'a pas le choix que de prendre des mesures drastiques, des mesures extrêmement violentes, voire brutales, sinon terroristes, pour se maintenir au pouvoir. Parce que pour lui, c'est pour Lénine, pour les bolcheviques. Écoutez, on ne contrôle pas politiquement le Parlement, et en plus, il y a une guerre civile qui exactement. Commence. Le Parlement, de toute façon, vous l'avez dit, le Parlement ne durera pas. Le Parlement, il est convoqué début janvier 1918. Il siégera une journée. Pourquoi? Parce que la majorité des députés Assar et Cadet refuseront d'entériner l'élection des bolcheviques. Donc, le lendemain, des gardes rouges sont postés devant les portes de l'Assemblée et on leur dit que la démocratie a vécu en Russie. Donc, la Russie entre en guerre civile. L'armée rouge doit être constituée. Elle sera dirigée par Trotsky. Et l'armée rouge, bon, disons qu'elle est organisée à partir de rien. Et Trotsky aura une idée géniale, c'est-à-dire c'est de mobiliser des officiers puis des généraux de l'armée tsariste en prenant leur famille en otage, en leur disant si vous n'êtes pas fidèles au régime bolchevique, eh ben nous fusillerons vos épouses et vos enfants et vous-même évidemment. Et ce qui va expliquer la victoire des bolcheviques dans la guerre civile, c'est que les armées blanches à partir du moment où elles prennent le contrôle d'une région, elles rétablissent les anciens propriétaires terriens sur leurs terres et elles fusillent les dirigeants paysans. Conséquemment, les paysans n'ont pas le choix que d'appuyer les bolcheviques, étant donné que l'alternative, c'est le retour du tsar, c'est le retour des grands propriétaires terriens. Donc, ça éradiquerait leur prise de possession des terres qu'ils ont faites à partir du printemps 1917. Et aussi, les armées blanches vont se comporter en terroristes de la même manière que feront les bolcheviques. Mmh. Il y a un petit mot, parce que ça touche entre autres le Canada. Je ne pense pas que c'est si important que Lénine a voulu le laisser entendre, entre autres. Mais il y a, dans cette guerre civile qui oppose l'armée rouge aux blancs, il y a des pays étrangers, des forces étrangères occidentales, dont le Canada, qui vont participer. Le Canada qui enverra entre 1500 et 2000 hommes. Il y aura les États-Unis qui enverront 7500 hommes. C'est pas significatif. Pourquoi? Parce que Britanniques, Français, Canadiens, Américains et les Japonais, c'est 60 000 soldats qui enverront en Sibérie. C'est qu'on craignait que l'Allemagne gagne la guerre et s'approprie la Russie. Donc, pour essayer d'empêcher l'Allemagne de prendre Pétrograd, de prendre Moscou, de s'accaparer le potentiel économique russe, on a tout simplement décidé d'intervenir. Et quand on regarde le nombre de soldats engagés, c'est clair qu'on n'avait pas le projet de renverser les bolcheviques. Mais la propagande bolchevique va utiliser l'intervention étrangère pour dire, jusqu'à la fin de la guerre froide, que dès le départ, les puissances capitalistes occidentales ont tenté de mettre à terre le régime bolchevique. Donc, ça va servir de la propagande bolchevique pour les décennies à venir. Donc, la Russie est en guerre civile et parallèlement, entre 1918 et 1920, il y a une période qu'on va qualifier de communisme de guerre. En fait, le nouveau pouvoir communiste procède en même temps que cette guerre civile est conduite, procède à une série de réformes. André Champagne, des nationalisations importantes. Quelles sont les principales mesures qui seront adoptées à ce moment-là? Bon, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'au moment où les bolcheviques prennent le pouvoir, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de projet sur la méthode pour instaurer un gouvernement socialiste. Les penseurs socialistes, de Marx jusqu'à Lénine, n'ont fait que critiquer le mode de production capitaliste. Donc, quand les bolcheviques prennent le pouvoir, ils doivent tout improviser. Et pour les bolcheviques, qu'est-ce que c'est que le socialisme? C'est la nationalisation du potentiel économique. Ça va des industries, ça va des terres, ça va des propriétés en ville, les propriétés terriennes, nationalisation du commerce, nationalisation du petit commerce. Donc, tout est étatisé. Et pour Lénine, c'est ça. Donc, tout se fait dans l'improvisation. Mais la priorité, c'est d'assurer le ravitaillement alimentaire des villes et de l'armée rouge. Mmh. Et pour faire cela, Lénine n'aura pas le choix que d'envoyer ce qu'on va appeler les comités de paysans pauvres dans les campagnes pour réquisitionner de force les récoltes. Pourquoi? Parce que les paysans, étant donné qu'ils sont propriétaires, les paysans, eux, ne veulent plus vendre leur blé aux villes, leur récolte aux villes. Pourquoi? Parce qu'ils sont payés en monnaie de singe. Conséquemment, ils vont réduire les surfaces cultivées. Et on voit tout de suite où ça va mener. Donc, il y aura une crise de ravitaillement. Il y avait déjà une crise de ravitaillement en 1917, crise de ravitaillement qui va s'accentuer et qui va faire en sorte que au moment où la guerre civile prend fin, à la fin de 1920, début 1921, c'est la famine qui règne en Russie. En fait, c'est la catastrophe. 1920, la fin de cette guerre civile, c'est vraiment la catastrophe. Je vous propose là-dessus d'écouter, pour qu'on comprenne bien l'état lamentable dans lequel est la Russie, puis on y revient dans un instant, André Champagne, ensemble. Écoutez le journaliste et auteur Normand Cazelet, à l'émission L'Aventure en 1991, parler du portrait que fait le grand reporter Albert Londres de la Russie de 1920 et de Saint-Pétersbourg en particulier. Il va aller dans les rues, se promener pour observer. Et qu'est-ce qu'il constate? C'est la faim, la peur. Il y a déjà aussi le typhus qui manifeste ses ravages. Une puanteur règne dans la ville. Les magasins sont vides. Et tout le monde se promène avec une seule et même idée, manger. Et il constate que Feu Saint-Pétersbourg est devenu un campement livré à une soldatesque pouilleuse, je cite, soldatesque pouilleuse et nonchalante. Ils ont à peine la détermination de faire régner l'ordre. Et Albert Londres ne s'en cache pas pour dire qu'il est écœuré par ce qu'il voit. Et d'ailleurs, il donne des descriptions qui sont typiques de ce qu'il ressent. Par exemple, « Entrez là-dedans, dans ces soupes populaires, c'est les yeux agrandis que nous avons regardé distribuer cette manne communiste. De 3 à 4 heures, le troupeau humain s'y traîne. Chacun porte son écuelle ou une vieille boîte de conserve ou un exploit à barbe, voire de vraies gamelles. Ils tendent cela au comptoir graisseux. La portion du bouillon immonde, éclaboussant, tombe comme elle peut dans leur baquet. Avidement, ils l'avalent. C'est le dernier degré de la dégradation. Ce sont des étables pour hommes. » C'est la misère. C'est horrible. C'est la grande misère. Ce qui est étonnant, c'est que le régime a survécu. Ouais. C'est ça le grand mystère des premières années du pouvoir bolchevique, c'est la survie du régime. Sachez qu'à la fin de 1920, Moscou et Petrograd se sont vidés de Saint-Pétersbourg. Ouais. Ils se sont vidés de la moitié ou des deux tiers de leur population. Pourquoi? Parce qu'on ne parvient pas à trouver de nourriture, ni de bois de chauffage, ni de charbon. Donc, les grandes villes vont tout simplement se déserter. Et ce qui arrive également, c'est que la famine va vraiment faire des ravages. La guerre civile a fait des ravages. Écoutez, si je fais un bilan chiffré. Bon, les années de guerre civile furent globalement plus meurtrières que celles de la Grande Guerre. D'août 14 à février 18, l'armée russe perdit entre 2,5 et 3,3 millions d'hommes. Mais la surmortalité des civils restait négligeable. En 1918-1920, l'armée rouge perdit environ 800 000 hommes, dont plus de la moitié d'épidémies et des suites de blessures non soignées. Mais ce qui va se produire également, c'est que de 1917, jusqu'à la fin de la guerre civile, là, on parle de pratiquement de 8 millions de morts. En comptant les civils. Ouais. Et la famine qui commence en 1920 et qui va se prolonger jusqu'à 1922-1923, puis qui sera atténuée par une offre alimentaire américaine, dont on a déjà parlé à cette émission, ouais, va faire, elle, 5 millions de morts. Mais la Russie, en 1920-1921, c'est un pays exsangue. C'est un pays qui... Économiquement mort. Économiquement mort. Il n'y a plus de relations économiques entre les villes et les campagnes. La Russie n'a à toute fin pratique pratiquement plus de commerce international. Le rouble ne vaut pratiquement rien. C'est la pagaille, c'est l'anarchie. Et le régime a pu survivre. Pourquoi? Parce qu'il a imposé, sa volonté par la terreur. Voilà. Mais cette terreur-là répondait à la terreur des armées blanches. Ouais. Écoutez un dernier extrait sur cette terreur, justement, cette manière forte. Parce que, bien sûr, il y a la misère, il y a le pouvoir qui se maintient en place par la terreur, puis aussi il y a, par la terreur également, mais l'édification du socialisme, en fait, de l'homme nouveau. Idéal. Voilà. Ça se fait, tout ça, pendant ces années, et ça va se poursuivre, de fait, pendant toute l'existence de l'URSS. Puis écoutez, justement, André Glucksmann répondre aux questions de Denise Bombardier à l'émission 20h en 1977. Puis vous allez voir avec la question de Denise Bombardier, mais c'est de ça dont on parle, l'héritage à l'époque, en 77, de ces 60 ans de socialisme en Russie et en URSS. André Glucksmann, 60 ans de socialisme appliqué dans le monde, c'est ce que l'on doit fêter maintenant. Quels sont pour vous les grands moments de ces 60 ans de socialisme? À quel moment situez-vous les cassures, puisque je crois que c'est comme ça que vous voyez la chose? La première cassure, c'est la première année de ses 60 ans, c'est octobre 17. Ou alors, plus précisément, je dirais janvier 18. Parce que c'est à peu près à cette époque que l'alliance entre les socialistes révolutionnaires et les bolcheviques se rompt. Et le ministre de la Justice socialiste révolutionnaire a quitté Lénine et a quitté le gouvernement au début 18. Sur deux thèmes. Premièrement, parce que Lénine avait rétabli la peine de mort. Et deuxièmement, parce que Lénine favorisait la terreur rouge. Et la terreur rouge avait ceci déjà d'annonciateur de l'archipel du Goulag, que c'était une terreur statistique. Les troupes rouges arrivaient dans un chef-lieu de province et là ramassaient, en guise d'otage, tous les docteurs, tous les intellectuels, toutes les professions libérales, et puis après tous les paysans riches, et puis après tous les paysans moyennement riches, et puis après tous les paysans pauvres qui n'étaient pas d'accord avec les bolcheviks, etc. Et statistiquement, ça grossit comme ça de couche en couche. Et ce qu'il y a de caractéristique dans la manière de faire la guerre civile, c'est que précisément, les gens ne sont pas pris en tant qu'individus, ils sont pris en tant que représentants d'une couche sociale. Ils ne sont pas coupables en tant qu'individus, ils sont coupables parce qu'ils sont avocats, parce qu'ils sont professeurs ou parce qu'ils sont paysans. Et finalement, paysans, c'est 90% de la population russe à l'époque. C'est intéressant, cette lecture d'André Glucksmann, André Champagne, parce qu'au fond, il nous dit que la révolution de Lénine, les bonnes intentions de Lénine, elles capotent dès le départ, au début de la révolution. Mais complètement. Mais pourquoi? Parce que, justement, le problème des bolcheviks et des socialistes à l'époque, c'est qu'ils n'ont pas pensé comment construire une société socialiste, une économie socialiste. Et Lénine était convaincu pendant toute l'année 1917, que sa révolution allait s'étendre à l'ensemble du continent européen et que des pays capitalistes avancés, comme l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, contribueraient à l'édification du communisme. Donc, ça ne s'est pas produit ainsi. Et l'autre problème auquel ont été confrontés bolcheviks et qui donne raison à Marx, Marx avait dit que le communisme devrait se construire dans des pays capitalistes avancés, comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France. Alors que le communisme a commencé en Russie, un des pays les plus économiquement et culturellement arriérés en Europe. Donc, les bolcheviks ont été contraints d'improviser dans les pires conditions. Et ce qui n'a pas aidé également, c'est que, à partir de la prise du pouvoir des bolcheviks, c'est que la classe dirigeante, l'élite, c'est-à-dire que tout ce qui avait des compétences en Russie, quitte le pays. Il y a à peu près un million de membres de la classe dirigeante qui quittent le pays pour aller s'établir en Allemagne ou en France. Donc, c'est un pays qui est privé de sa classe dirigeante. Donc, les bolcheviks doivent tout improviser à partir de gens qui n'ont pas vraiment les compétences. Et ce qui est étonnant quand on regarde le destin de la Russie, de la prise du pouvoir jusqu'au printemps 1921, où là, Lénine va instaurer ce qu'on appelle la NEP, la Nouvelle Politique Économique, qui est une espèce de retour incertain, une économie mixte à la fois capitaliste et socialiste, c'est que le régime est survécu. Ouais. Et c'est ça qui est fantastique. Et le régime a survécu, pourquoi? Parce qu'il a pris les moyens nécessaires pour le faire, et ces moyens-là, et passait par la terreur. Terreur rouge qui, elle, est décrétée en septembre 1918. Et il faut avoir aussi à l'esprit que dès septembre 1918, on commence à construire les camps de concentration et il y en aura déjà 70 à la fin de la guerre civile. Donc, ce qui va devenir le régime soviétique, ce qui va devenir ce qu'on va appeler le stalinisme, c'est déjà mis en place par Lénine. Donc, Staline ne fera que continuer l'œuvre de Lénine. Et la naissance officielle, c'est 1922, de l'URSS. Oui, exactement. L'Union des républiques socialistes soviétiques. André Champagne, historien, collaborateur régulier de l'émission. Merci beaucoup, André. Je vous en prie. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission. À la recherche, Caroline Morin et André Martineau. Stagiaire à la recherche, Antoine Gauthier-Trépanier. Recherche d'archives, Mario Bolduc. Au site Internet, Mathieu Arsenault. À la technique aujourd'hui, Guy Charbonneau. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.